Nicolas Mikkelsen, bientôt sur toi dans ta petite maison en Alberta. Et ta mère aura les mains grandes ouvertes et te fera de la tarte aux pommes. Ah, Nicolas, mais en attendant, sois gentil.